Office at Night. Cette huile sur toile peinte en 1940 est de petite dimension. Elle est presque carrée, avec des côtés d'environ 60 cm. Hopper peint une scène de bureau. Deux personnages, un homme et une femme, occupent l'espace étroit de la pièce. Hopper place le spectateur au-dessus de la scène. C'est la nuit. La scène est éclairée par la lampe de bureau et par l'éclairage urbain entrant par la fenêtre ouverte. Cet éclairage artificiel donne une atmosphère verdâtre. Au centre du tableau, à gauche, une femme est debout. C'est la secrétaire. Elle est face à une colonne à dossier et elle se tourne vers la droite. Elle regarde avec insistance l'homme assis à son bureau. Il nous fait face. Il est habillé d'un costume gris et lit avec attention une lettre. C'est sans doute l'employeur. Une tension se dégage de la scène. Le corps voluptueux de la femme serré dans sa robe gris ardoise, ses lèvres rouges sont une invitation à la sensualité. L'homme semble ignorer cette présence féminine dans ce décor froid et masculin. Le droit à la paresse. Pendant plus de 20 ans, Edward Hopper exerce la profession d'illustrateur commercial, qui jusqu'en 1925 constitue sa seule source de revenus. Parmi les magazines auxquels il collabore, Systems et Magazine of Business le conduit à concevoir des images de l'univers bureaucratique, du monde du commerce, qu'il transposera plus tard dans des tableaux comme Office at Night. Ses illustrations pour Farmer's Wife, ses couvertures pour Hotel Management, imposent une représentation idyllique de la vie domestique des fermes du Midwest, celle exubérante et contractuellement joyeuse de l'univers des loisirs. Un bonheur sur mesure que devait bientôt contredire la transposition de ces mêmes sujets dans l'espace de ses tableaux. En dépit de l'aversion exprimée par Hopper à l'égard de son activité d'illustrateur, nombre des sujets de ses peintures à venir trouvent leur source dans ses dessins commerciaux. Aux célébrations du travail de ses vignettes pour Systems, il superposera le souvenir de tableaux, une réminiscence littéraire, qui en transformeront le sens. Le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, d'Edgar Degas, le persuade que l'univers du commerce peut lui ouvrir de nouvelles perspectives. Bartleby, le bureaucrate résistant, imaginé par Herman Melville, l'aide à inverser la tonalité de ses illustrations et à substituer des figures inactives et pensives aux bureaucrates hyperactifs de ses images de commande. À l'univers fonctionnel aux relatives anonymes de ses vignettes, se substitue l'ambiguïté sexuelle d'Office at Night, l'ambiance trouble des films noirs de Conference at Night. Scène de la vie professionnelle. En 1906, Edward Hopper s'engage comme illustrateur pour la firme C.C. Phillips & Company. Malgré son mépris pour un métier qu'il jugeait en contradiction avec sa vocation d'artiste, il l'exercera jusqu'en 1925, ne pouvant jusqu'alors vivre des seuls revenus de la vente de ses œuvres. Il réalisera avec succès des posters pour la US Printing and Litho Company, ainsi que de nombreuses illustrations pour les revues Farmer's Wife, Hotel Management, The Metropolitan Magazine ou encore le magazine d'affaires Systems. Degas en Amérique. Le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans d'Edgar Degas ouvre à Hopper un nouveau champ iconographique, lui révélant que le monde bureaucratique, celui du commerce, des univers si américains, était eux aussi digne d'une transposition picturale. Convient-il d'attribuer au seul hasard le fait que Degas a peint ce tableau à la faveur d'un voyage réalisé aux États-Unis ? J'aimerais mieux pas. Bartleby, de Herman Melville, compte parmi les nombreux ouvrages de la bibliothèque de Hopper. À l'image des personnages hopériens, détachés et absents, Bartleby se désengage petit à petit de son travail et de toute autre activité, optant pour une forme de résistance passive, illustrée par son slogan fétiche « I would prefer not to », « J'aimerais mieux pas ». Vivement dimanche. L'univers bureaucratique et la banalité de son quotidien ont inspiré de nombreux scénarios de cinéma ou de séries télévisées. Truffaut, Polanski ou Hitchcock ont porté à l'écran la tension entre la secrétaire et son employeur qui constitue le sujet central du tableau de Hopper, Office at Night. Réalisant une véritable contorsion anatomique de son personnage, Hopper représente la secrétaire offrant au spectateur du tableau les formes incompatibles et pulpeuses de son buste et de son fessier.